tromper l'ennui, le temps d'aimer est le ciel de pluie, des fleurs fanées ou des cœurs flétris. On voit trop ça de la vie. Mais toi et moi, nous vivrons d'amour sans faire un pas vers quelque détour. Oui, toi et moi, nous vivrons d'amour heureux jusqu'au dernier jour. Je lis ma vie au fond de tes yeux et je m'y vois toujours plus heureux. Je sais que d'autres ont connu ces joies et pleuré plus d'une fois. Mais toi,